un homme qu'on appelle TY2S. C'est Street Dangerous, hey yo. C'est le white qui te blesse. Philosophie Swan, c'est l'état one. Et c'est Street Dangerous, Dangerous. C'est Street Dangerous, Dangerous. Street Dangerous, on vient kick la mixtape. TY2S, c'est le white qui te blesse. Je ne lâche pas le micro jusqu'à en avoir les mains moites. Je continuerai à chanter même enfermé dans ma boîte. On vient t'expliquer si t'as pas compris le concept. On te mettra des coups de pression comme on le fera bouger la tête. Des MC qu'on l'attaque tous réunis sur le même scud. Street Dangerous à la puissance à mes scud. Ça sort tout droit ta rue et crois-moi tu seras pas déçu. Et si j'ai atterri dessus c'est que pour ma part j'y ai cru. Et l'instru a fait vibrer les moniteurs de mon home sud. J'espère que tu entendras que j'ai pris plaisir à chanter dessus. On met ça à élever. La musique nous appelle, on ne vit que pour elle. Elle représente nos emblèmes, on met ça high level. Alors prête ton oreille. Poncho et Marwan ont travaillé ça pour ton éveil. Philosophie Song, c'est l'état Marwan. This is Street Dangerous, Dangerous. This is Street Dangerous, Dangerous. Philosophie Song, c'est l'état Marwan. This is Street Dangerous, Dangerous. This is Street Dangerous, Dangerous. Impulsif comme Coach Carter, je démarre le moteur. Je mets tout le monde d'accord, Dangerous ça me fait pas peur. Je n'ai pas le temps pour apaiser les esprits. Je veux que tout le monde accorde dès le début de la mélodie. Bouge au rythme des boomers, ça t'ouvre. Les portes du monde éprouvent que ce son te rend ouf. C'est Street Dangerous, faites place au musical soldat. Poncho et Marwan comme chef d'armada. Pas de brolic, notre âme c'est le lexique. Je sais que ça t'excite mais ne t'avance pas trop vite. Man fait le hey, man vise le ciel. Man rejoint Alice au pays des merveilles. Man assume, man titube. Man dis-toi que tout ça est fait sans thune. C'est Philosophie Song, c'est l'état Marwan. This is Street Dangerous, Dangerous. C'est Street Dangerous, Dangerous. Philosophie Song, c'est l'état Marwan. This is Street Dangerous, Dangerous. C'est Street Dangerous, Dangerous. Philosophique Song. Hey ouais mon gars, select à ma voix. Baby, hey. C'est pour la mixtape Street Dangerous. Oh, c'est Street Dangerous. Street Dangerous, hey. C'est Street Dangerous. Philosophique Song, select à ma voix. This is Street Dangerous, Dangerous. C'est Street Dangerous, Dangerous. Philosophique Song, c'est l'état Marwan. This is Street Dangerous, Dangerous. This is Street Dangerous, Dangerous.